Alors, Pierre prend Hector par le cou. Gros bêta, ne pleure pas. Je te la ferai, moi, si tu veux ta lettre au Père Noël. Tout va s'arranger. Tu verras. Au revoir. Il était bien tard quand Hector et Pierre se sont quittés, après s'être embrassés bien fort. En traversant le bois pour entrer chez lui, Hector n'avait plus du tout envie de pleurer. Il chantonnait presque et rêvait. Pensez-vous qu'il rêvait des petits enfants roses et blonds au goût de noisette? Pas du tout. Il rêvait d'avoir une panoplie d'aviateurs, une d'exploration sous-marine et même une valise de magicien. Écoutez-le chanter la chanson de Pierre. C'est bientôt Noël, que la vie est belle. Bientôt viendra le Père Noël. Dans la cheminée, il va déposer des autos, des mécanos, des jouets. Les enfants sont gentils, les sapins, les bougies. Dans toutes les maisons, ce sera joli. Car c'est bientôt Noël, que la vie est belle. Demain viendra le Père Noël. Et le sommeil d'Hector a été très agité pendant plusieurs nuits. Quant à Pierre, en rentrant chez lui, il a écrit deux lettres. Une pour lui, une pour Hector. Et il les a expédiées tout de suite pour que le Père Noël les reçoive à temps. C'est maintenant la veille de Noël. Tous les enfants du monde chantent en attendant que le Père Noël leur porte les jouets. Mais Hector est triste. Il se rappelle tout à coup qu'il faut une cheminée pour que le Père Noël puisse descendre et des chaussures au pied du sapin. Lui, il n'a pas de cheminée. Il prend sa tête entre ses pattes et réfléchit bien fort. Et ce vieil arbre moussu au bout de la forêt, que même le hibou ne veut plus habiter. Le vieil arbre est creux. Il sera ma maison et ma cheminée. Je vais me coucher devant et attendre le Père Noël. À côté du vieil arbre, vers la lumière, un jeune sapin vert avait poussé. Et c'est la nuit de Noël qui s'installe. Le ciel est plein d'étoiles. Le Père Noël a beaucoup de travail. Il met si longtemps à visiter les maisons de tous les petits-enfants de la terre entière que le matin se lève quand il pense à Hector, le loup. Alors, il se dirige vers la forêt de chênes. Mais les petits-enfants lui disaient « Père Noël, ne va pas dans la forêt, il y a le loup. Le loup te mangera, Père Noël. » Le Père Noël se dit « Bof, un Père Noël, c'est peut-être plus fort qu'un loup. » Et puis, si Pierre a écrit, c'est qu'Hector est devenu bon. Quand le Père Noël est descendu dans la cheminée d'Hector, il a d'abord fait promettre au loup de ne plus jamais manger de petits enfants, même s'ils sont blonds et ont le goût de noisette. Puis, il a garni d'os en caoutchouc et de jouets le joli petit sapin vert. Savez-vous qu'Hector a tenu sa promesse ? Qu'il est l'ami de Pierre et de tous les enfants, et que chaque année, pour Noël, son sapin brille de 1000 étoiles.